L'enregistrement. Bon, alors Philippe, comment vas-tu? Eh ben ça va, je ne sais pas où est passé ce Covid-19. Là, j'en ai pas vu la couleur. Ben, tant mieux. Sylvie non plus. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que ça, c'est des vrais soucis, hein, quand on commence à voir la couleur, c'est un peu tard. Voilà. Donc maintenant, il y a de la place dans les hôpitaux, alors... Oui, mais je te souhaite pas d'y aller. T'as vu ce que ça entraîne, d'être intubé, de ci, de ça, c'est des souffrances énormes. Oui, j'ai un cousin qui m'a raconté, c'est un jeune qui l'a eu, Hein. Ouais. un Belge, Ouais. qui m'a dit c'était 25 jours de galère Ah à compter si on allait se réveiller le lendemain ou pas. ouais, c'est au moins ça. Mais il était encore conscient, alors que tu en as beaucoup qui ne sont pas conscients. Oui, bon, on les met en général dans un coma artificiel, justement, Ouais, parce que tout à fait. souffrent moins. On les met dans un coma artificiel. Attends, parce que je suis dans mon installation quiberonnaise et Thierry. Est-ce que je peux fermer la porte ici? Alors autant à Auray, Michaela, il bouge pas trop, mais ici, alors je te dis pas. Je te dis pas. Mais bon, on va essayer de converser paisiblement. Elle n'est pas bien, Michaela, en ce moment. Pas Ah bien du bon? tout. Non, non, non. Elle a du mal à juguler la succession de sa sœur. C'est très compliqué, surtout qu'on va pas en Allemagne. Faire piloter tout ça de France, c'est compliqué. Ah oui. Et donc, plus son frère qui est drogué, si tu veux, bah, cette histoire. Bon, écoute, on va parler d'autre chose, parce que moi j'ai vu que tu avais fait plein de trucs. Comment ça s'est passé dans l'ensemble, alors là-bas? Pardon, j'ai Comment? pas compris le Tu début de la phrase. m'entends pas bien là? Ça, en fait, il y a une espèce de chose qui vibre. Alors, je sais, est-ce que c'est moi qui, ou bien ça donne l'impression que ton micro sature un peu. Ah, ça siffle? Non, ça siffle pas, ça fait du buzz dedans quand tu Bon, parles. et là tu m'entends? Tu m'entends? Là, Ça c'est va? bien. Là, c'est bien. Ça va? Bon. Voilà. Alors, comment s'est passé ton voyage là-bas? Bah, je dirais côté, ça a été un grand déplacement puisque j'ai fait 3 semaines. Il y a Oui. eu, mais à Auray, il y avait juste 8 jours. Oui. En fait, je gère tout ça parce que Jardin Merveilleux, il y a des gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Ouais, d'accord. Donc, même dans la famille. Oui. Et c'est vrai que autant Michaela a géré des trucs familiaux, moi j'ai les beaux-parents là, qui sont Ouais. dans un triste état et qui sont plutôt sur une pente descendante. Ouais. Elle, parce qu'elle ne croit en rien du tout, et puis lui, parce que sans lui, elle ne survivrait pas. D'accord. Elle a besoin d'une assistance tout le temps, alors D'accord. ça me déprime complètement. Donc j'ai Ouais. beau leur parler de ça, de l'Ouest, ce sont des Bretons, je ne sais pas ce qui persiste à rester à Paris, mais bon. Ouais, je garde espoir. Tant que c'est de la vie, il y a de l'espoir. On va voir si on arrive à les déplacer sur leur lieu d'origine. Bah, ça serait bien l'été, quoi, Ah d'autant oui. profiter qu'on est un peu déconfiné pour l'instant. On n'a pas besoin de chauffer. Il n'y a pas besoin de chauffer, mais ils veulent pas bouger, quoi. C'est ta Ouais. belle-mère qui ne veut pas bouger. C'est la restriction mentale, là. On a l'impression que c'est de plus en plus confiné à l'intérieur, quoi. Malheureusement. Bah, ça, c'est le début. Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais c'est le début du commencement de la fin, quoi. Oui, c'est ça. Oui, Hein? c'est ce que disent les médecins. Ouais. Il y a beaucoup qui disent, en général, c'est plus on attend, plus ils s'accrochent, moins c'est possible de prendre une décision. Voilà. Ouais. Donc, Bon, bah, écoute, il faut faire avec. Il on fait faut. avec. Il faut. Et Sylvie, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Elle a évolué, puisque depuis un an, elle disait non pour le déplacement dans l'Ouest, et puis maintenant, elle dit, mais alors, mon sang à l'été, on pourrait le faire, ça pourrait se faire, et là-bas, une maison toute plein pied, alors que là, ils sont au deuxième étage, on peut recevoir toute la famille là-bas, leur maison familiale, c'est là-bas, tout le monde, en fait, ne trouve plus de raison à ne pas le faire, sauf la grand-mère. Voilà. Donc, c'est embêtant parce que maintenant tout le monde souffre. Ma belle-sœur et mon beau-frère qui, en fait, ne partent pas en vacances en attendant qu'il y ait une décision prise. Enfin, tout est suspendu. Oui, mais il ne faut pas attendre. Il ne faut surtout pas attendre parce que soit tu les prends de force, tu les emmènes en voiture en Bretagne, soit tu laisses courir. Mais si tu attends, tu t'en sors pas. Oui. Il faut prendre les choses en main, il faut. Bon, c'est compliqué, mais si tu n'y vas pas avec le bon sens, tu vas, et la raison, il faut. C'est diabolique, hein, ces trucs-là. C'est diabolique. Qu'est-ce qu'elle a comme maladie, ta belle-mère? En fait, elle arrive un cancer dans la bouche. Ah ouais? Il y a un moment, c'était l'opération, soit c'était 6 mois maximum, mm-hmm. avec déformation, souffrance et tout le bazar. Quoi. Bien sûr. Donc, après la décision, elle a choisi l'intervention. Du coup, on lui a changé une partie de la mâchoire, on lui a enlevé pas mal de choses. Du coup, elle avait le visage déformé pendant un moment, avec la bouche sur le côté. Enfin bref, elle ne se supportait pas. Et chaque jour passé était un jour de trop pour elle, pour la remise dans le droit chemin. Et là, en fait, elle devient mignonne parce que en fait le visage est en train de se rééquilibrer. Et du coup, on lui dit, mais maintenant tu deviens, on peut te regarder en face sans problème, t'as plus besoin de te cacher ni quoi que ce soit. Mais il s'est passé depuis 14-15 mois maintenant. Et depuis, la tête a évolué dans le mauvais sens. Autant au début, j'arrivais à la coacher pour faire de l'exercice et pour comment continuer et reprendre en fait des promenades autour dans le secteur. Ouais. Autant maintenant, elle ne sort plus. Elle est complètement. Elle vit entre trois pièces. Quoi. Ouais. Et son mari, dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Comment il vit le truc? Son mari, en fait, il aide parce qu'elle est pleine de. Elle est pleine d'appareils, d'appareils pour qui lui donne l'oxygène, un appareil qui la nourrit parce que du coup, comme elle, par la bouche, ça ne peut pas passer, elle a une canule pour respirer et elle a une sonde gastrique pour lui donner à manger. C'est vachement handicapant ça, dis-moi. Elle est blindée d'appareils et pour moi, en fait, ce sont des appareils qui sont devenus peu à peu, à part la nourriture, puisque. Elle ne pouvait pas se nourrir par la bouche pendant un moment. Ce sont des appareils qui sont apparus avec sa déchéance. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'elle perdait le moral, elle se recroquevillait sur elle-même, elle arrivait moins à respirer, du coup, on lui a mis un respirateur, puis après ça, on lui a mis de l'oxygène. Enfin, ça va dans le mauvais sens. Quoi. Alors qu'elle devrait s'ouvrir maintenant, ouvrir sa cage thoracique, en fait, elle rentre dans son œuf. Et ça peut aller que de pire en pire. Ouais. Alors ça, je lui ai expliqué. Alors, chaque fois qu'on lui explique ça, en fait, elle fait une réaction, comment dire ça, pas une réaction allergique, mais tout d'un coup, à partir du moment où on la sort de ses habitudes médicamenteuses et appareils, en fait, là, tout d'un coup, elle se sent mal. Ouais. Là, ça va être compliqué. Surtout si elle est appareillée, si tu veux, parce que c'est des trucs. Bon, écoute, moi je vous souhaite bon courage à tous les deux, à toute la famille, parce que faut gérer. On reste à l'écoute, mais c'est vrai que le frère et la sœur de Sylvie, en fait, sont plus loin. Et ont du mal à supporter la situation. Donc en fait, c'est. Moins ils interviennent, mieux ils se portent. Ah d'accord. Ce qui fait que ça nous retombe sur les dos. Ouais, d'accord. Bon, c'est bien quoi, tout ça. Bon courage. Bon courage à vous deux. On va essayer de gérer. Moi, je croise les doigts et je prie pour que, y ait une décision qui soit prise très très vite, parce que là, on peut encore les emmener à la campagne et assurer. Il y a eu pas mal de choses, mais bon, on verra bien. Bon, et ben bon courage à vous deux, hein, parce que c'est pas gagné. Bon, on va parler de choses un petit peu plus Chouette. merveilleuses. Alors, ce jardin, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, parce que j'ai lu toute la littérature et je vois que ça a beaucoup bougé, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà d'entrée, en fait, Stéphane était là. Bon, Donc, ça c'est bien. il a passé la semaine avec moi, quasiment. Hein. D'accord. Bon, et puis, il a eu une super chance parce que ça, c'est encore un côté merveilleux de la chose. C'est un effet collatéral. Moi, je l'estime comme ça. En fait, il a eu un gros contrat en cours de route. Et il doit intervenir sur la belle maison là, qui n'est pas très loin de chez vous, qui est de l'autre côté de la rue. Ah oui. Le voisin, enfin, Ouais, le voisin. c'est des gens charmants là. Des gens, voilà, des gens très bien. Et en fait, ils veulent refaire l'intérieur et tout ça. Donc ça lui fait beaucoup de boulot tout d'un coup, qu'il n'a jamais eu, qu'il n'a pas eu depuis pas mal d'années. C'est un architecte d'intérieur, lui? lui, il fait les deux. D'accord. Parce que cette belle maison, écoute, elle a toujours intrigué tous les habitants de notre résidence. C'est des personnes âgées qui habitent là. Et Je sais c'est. pas, j'ai pas beaucoup discuté avec eux, Je mais t'explique un peu de ce que je sais, hein, oui. parce qu'on ne sait pas tout. Ce sont des personnes âgées qui ont voulu vendre et à un prix relativement conséquent et on n'a pas eu de suite. On n'a pas vu de suite. Est-ce qu'ils ont vendu? Est-ce qu'ils n'ont pas vendu? Je ne pense pas qu'ils aient vendu. Et donc, je suis surpris que, voulant vendre à un moment donné, eh bien, il fasse intervenir quelqu'un pour remettre en état l'intérieur. Bon, voilà, c'est surprenant, mais c'est bien d'un côté, c'est bien, ça va. Mais quelle pérennité tout ça peut avoir? Voilà. Alors, comme tu dis, c'était les personnes âgées, mais est-ce que ça n'a pas été vendu et c'est Eh pas bien, c'est un la question que acquéreur? je pose. Et là, je Ça ne sais pas qui est le. a peut-être été vendu. Ça peut avoir Mais été je vendu, vois mais que toujours justement, les il voulait mêmes le garder. personnes âgées Ouais. là-dedans, qui prennent bien soin de leur maison, tout le moins. On voit de l'extérieur, mais ils sont toujours à passer un petit coup de pinceau là, à nettoyer là, à faire ci. Ils s'en occupent bien de leur maison. Et j'ai pas l'impression que c'était vendu. Mais bon, on se trompe peut-être. Bon, ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà. Il nous racontera, Stéphane. Il nous racontera. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est juste en dessous, c'est juste à côté. C'est aussi une maison qui a une vue sur le jardin merveilleux. Et en plus de ça, votre voisine du dessous, qui a aussi la vue sur le jardin merveilleux, est venue. Qui ça? Geneviève. Ah, Geneviève. Oui, Geneviève. Bah oui, c'est nous qui te l'avons envoyée, Oui, Geneviève. c'est ça. Bah, c'est une femme qui habite ici à Saint-Goustan depuis quelques mois, c'est assez récent. Et puis c'est une femme seule, donc qui aime la musique classique. Et c'est un peu une des raisons pour laquelle on l'a envoyée. Et bon, alors tu as sympathisé avec elle. Elle est sympa comme femme. Oui, tout à fait. Elle est sympa. Et puis tu peux compter dessus. Tu peux compter dessus. Et voilà. Bon, ben, ça c'est bien. Alors, pour prendre les choses dans l'ordre, on a commencé par. En fait, on n'avait pas l'intention, moi en tout cas, je n'avais pas l'intention de tout débroussailler, de tout recommencer, mais par contre d'observer un peu ce qui avait poussé et ce qui existait sur place. D'accord. Et donc, on a conservé des massifs de roses, enfin de murs, parce qu'en fait, elles sont couvertes de fleurs, elles vont donner des murs. Donc, ça valait la peine. Donc, on a juste aménagé des promenades Oui, sur attends, place attends, pour un peu excuse-moi, se. Philippe. Non, non, Ah. Hello, Michaela. Salut Philippe, ça va? Mais oui. Bon, c'est bien. Bon. Michaela, elle va aller se baigner. Non, voilà. Bah, ici, c'est un peu difficile. Hein. T'as la rivière qui passe quand même. Oui, mais alors là, dans quel état, hein, le Rhin. Ah, c'est le Rhin, oui, bah oui, à Strasbourg. Bon, d'accord. Donc, tu as observé, c'est très bien. On a observé tous les deux sur place. Avec Stéphane. Avec Steph, ouais. Avec Stéphane. Ouais. Et puis, j'avais apporté une débroussailleuse électrique qu'on a branchée chez Gilbert, qui donc, nous a passé l'électricité. Ouais. Et donc, c'est le premier séjour où j'ai commencé à décompter le temps passé par les uns et les autres et les dons en nature. Donc, par exemple, chez Gilbert, j'ai noté le compteur avant, le compteur après. D'accord. Pour dire, bah, il a donné tant de kilowattheures. D'accord, ça fait... d'accord. Voilà. Et puis, le temps passé par Stéphane. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, avec Stéphane, on a débroussaillé donc, à l'est et à l'ouest. Mm-hmm. On a fait un petit merlon de permaculture. Parce qu'on s'est dit, bon, on va prendre ça à... comme on en avait discuté, dans l'état où les gens sont sensibles. Oui. L'endroit où les gens sont sensibles. Oui, ils oui. montent, ils voient tout de suite ce terrain, et ils ont reçu un merlon avec des tomates dessus. Le et merlon, c'est le bateau et... Le bateau, oui. Ouais. La tomate. D'accord. En fait, initialement, on va voir si Stéphane le fait, on devait mettre une rambarde au niveau de ce bateau, pour qu'on accroche les pieds de tomates à la rambarde, une fois qu'ils seraient grands. Ouais, d'accord. Alors, j'ai expliqué la chose. Ouais, d'accord. J'ai c'est un peu juste pour cette année, hein. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, les plants de tomates, c'est un peu juste pour cette année, hein. Oui, ouais, c'est pour septembre, c'est-à-dire que ça sera pour vous, pas pour moi. Ah, d'accord. Ça dépend, c'est tu bien. Peux revenir. Ouais. On va voir courage. Si... si la solidarité fonctionne, ou bien c'est plutôt le premier arrivé se faire en premier. Quoi. voilà, ouais, non, mais il y a un état d'esprit à définir. Y a un état... Voilà. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc on a fait ça, on a mis là une rambarde pour on a nettoyé la rampe en béton qui était recouverte de mousse et donc qui était glissante. Mm-hmm. On allait vers la droite, vers ce merlon, et on a mis un garde-corps. Et Stéphane a brêlé ce garde-corps avec la ficelle. D'accord. Pour que ça retienne, mais que ça soit souple, que ça ne soit pas moche et. D'accord. Et trop. De toute façon, on ne peut rien faire de dur, sauf si on fait du béton et enfoncé dans le granit. Donc, ça, c'est, pour l'instant, c'est pas, ce n'est pas envisagé. D'accord. D'accord. On a travaillé beaucoup avec la végétation. L'avantage de travailler ensemble, c'est qu'on discute. Bien sûr. Chacun peut apporter des idées, on peut discuter. Bien sûr, idées. Bien sûr. Du coup, et ben après ça, mercredi, j'ai reçu Catherine qui a fait un petit reportage pour pouvoir mettre sur West France. Il était très bien l'article. Ben, je te l'ai envoyé d'ailleurs, parce que je ne savais pas si tu l'avais reçu ou pas. Catherine m'envoie dès que ça sort. D'accord, voilà. Donc, j'ai trouvé ça bien. Hein, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Ben c'est bien, la seule chose que c'est Sylvie qui l'a trouvé, c'est qu'il y avait une erreur d'orthographe dans le nom, mais il manquait un T. Ah, d'accord. Bon. C'est pas grave. Bon, voilà. C'est pas grave. Mais, par contre, deuxième ouais. erreur, c'est qu'en fait, il est sorti le samedi matin pour le samedi après-midi, quoi. Alors, c'est... Oh, mais je vais te dire, tu le sors trop tôt, c'est trop tôt, ou tu le sors juste à l'heure, c'est trop tard, quoi, si tu veux. non, mais... Oui. Les gens ne marchent pas. Bon. Certains lisent Ouest France, beaucoup lisent le Télégramme, le journal Le Télégramme, et puis beaucoup sont sur Internet. Comme, voilà. Mais alors, est-ce que cet article a engendré des nouvelles visites sur le terrain? J'ai une quinzaine de personnes qui se sont déplacées. Pour l'après-midi? Dans l'après-midi, là, ça, c'est bien, ça. C'est vachement bien. Ouais. Ouais. Mais ils se sont déplacés parce qu'ils ont lu l'article ou parce qu'ils passaient par là ou parce que... Il y en a qui passaient par là et qui se sont arrêtés, du coup, parce que c'était samedi, donc il y avait quelques touristes. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qui, ayant lu l'article, sont arrivés déjà plus tôt. ceux qui avaient lu l'article, en fait, ce sont ceux qui arrivaient plus tôt. D'accord. Parce qu'ils ne voulaient pas rater le début, quoi. D'accord, c'est bien, c'est bien. Et c'était des gens intéressants que tu connaissais déjà, c'était... En tout cas, Christiane qui m'accueillait, donc, elle est venue avec ses petits-enfants, et donc ça, c'était une personne connue. Par contre, dans les autres, il n'y avait que des inconnus, donc que j'ai découvert. Alors ça, c'est bien. Geneviève aussi. Hein. Comment s'est passée cette découverte ? Alors cette découverte, en fait, les gens se sont arrivés, et puis finalement, ont sympathisé les uns avec les autres. Plus facilement à partir du moment où j'ai expliqué ce qui pourrait se faire sur le terrain et montré un peu ce qu'on avait fait pendant la semaine. Mm-hmm. Et aussi quelques caractéristiques. Là, par exemple, le mur de soutènement que personne ne voit quand tu es en dessous, tu le vois, il est super beau. Sur un fond de mousse, tu as des petites fleurs qui sont accrochées de toutes les couleurs. C'est fantastique, cet endroit. Et il est visible d'où ? Il est visible d'où, ce... Il n'est visible que du jardin. Tu ne peux pas le voir ni de dessus, ni de dessous. D'accord. Donc, c'est exclusif. D'accord. Ça, c'est bien. Et même, j'ai fait une photo de ce truc-là, mais ça ne donne pas aussi bien. Ça donne pas. Il y a un aspect de vastitude. Ça fait ciel étoilé quand tu regardes ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et c'est vrai que ça fait tout petit. Quand on fait la photo comme ça, on a l'impression que ça pourrait être un tissu. Et puis, ça, on ne voit pas bien. Quoi. D'accord. Bon. Mais bon. Il y avait un massif de... un super massif de poids de senteur qui était sur le côté est. Et en fait, des poids de senteur qui ont été soufflés depuis chez Gilbert jusque chez nous. Ce qui fait qu'on avait, je sais pas, 6 mètres carrés de fleurs à un endroit. C'est bien. C'était super beau, super beau. D'accord. Alors, est-ce que les gens que tu as rencontrés, tu as relevé leurs adresses, tu as pu dire... Tout à fait, ils me les ont données. D'accord. Donc j'en ai toute une série. J'ai installé une boîte aux lettres pour ceux qui ne donneraient pas et donc qui reviendraient par la suite donner des idées, etc. D'accord, ça c'est bien. Okay. Ouais. Parce que en fait, ce sont les voisins qui sont. Ce sont des voisins qui viennent en fait de plus en plus loin. C'est-à-dire que j'ai la personne qui habite par exemple au bout du Quai 9, c'est-à-dire près du petit rond-point là, qui est à l'entrée du Quai 9. Qui, elle, en fait, va au centre-ville, et elle a dit, moi, je ne vais pas passer par le Quai 9, je vais passer par la rue Neuve, maintenant qu'il y a des trucs, et je pourrais vous dire, comme ça, comment vont les tomates. Ah, c'est bien, ça, c'est bien. Bon, donc... Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de... C'est quand même beaucoup de personnes âgées, hein. Ah, ben, c'est la population à la réelle, hein. Il y a des jeunes, mais... ils travaillent pas forcément là, ils sont. C'est des vieux schnock, ouais. Ah, mais on en fait partie, donc il faut essayer de juguler tout ça, quoi. D'accord. Ton micro, là, encore. Hein. Pardon ? Pas terrible, il y a de la distorsion dans le micro. Ben, écoute, mon problème, si tu veux, il est de Quiberon. Où j'ai 10 fois moins de, je dis bien 10 fois moins de bandes passantes qu'à Aurel. Ah oui. Et je suis content de pouvoir converser avec toi dans ces conditions-là parce que ça aurait pu être plus catastrophique. Je suis désolé de cette mauvaise émission et surtout mauvaise réception par toi. Mais là, c'est. Ou alors on peut arrêter l'image. Non, mais ça me va, mais par contre, il faudra que tu le sais maintenant par rapport à l'enregistrement, quoi. C'est pas fantastique, quoi. Bon, écoute, pourtant j'ai fait... Bon, j'ai essayé plein de trucs, mais et puis, si tu veux, j'ai organisé pas mal, pendant le confinement, pas mal de réunions Skype avec des Quiberonnais, moi étant à Quiberon. Et on avait des tas de problèmes de distorsion et autres. Hein. C'était, voilà. C'est comme ça, mon ami. C'est comme ça. C'est une info que je te passe. Non, non, non, non, mais elle est précieuse. Elle est précieuse. Mmh. Mais je ne sais pas comment faire mieux. Voilà. Bon. Alors, moi, ce que du coup, j'ai rajouté les trois personnes sur le paper dans l'équipe, parce que ce sont des personnes qui vont s'investir justement à venir et planter et entretenir les plantes tomates et tout ça. Alors, attends, ça c'est intéressant. Je retourne à Pepper, à l'équipe, pour bien comprendre, parce que moi j'ai besoin de lire aussi de temps en temps. Alors, qui est-ce que tu as rajouté? Christiane Barthes. Alors, Barthes, Christiane est dedans, puisque elle a bien compris le truc de l'affaire. Et, qui c'est, cette fille? Pardon? Qui est Christiane Barthes? Ben, c'est une personne de vos âges. Ouais. Et qui en fait gère deux maisons, deux Airbnb, quoi, en gros. Ah, d'accord. Qui a perdu son mari il y a un an et demi. D'accord. Et qui s'occupe actuellement de ses petits-enfants parce que sa fille, en fait, a épousé quelqu'un qui bosse à Orléans et qui revient tous les 15 jours seulement. D'accord. Donc, elle est un peu seule, la jeune. D'accord. Du coup, elle est très souvent là. Et du coup, elle me prête sa maison quand elle n'est pas dedans, tout simplement. Ah, d'accord. C'est chez elle que tu as logé? C'est chez elle, mais c'est chez elle aussi qu'elle loue. D'accord, d'accord, c'est sympa. C'est une maison à 10 personnes possibles. Ah ouais, d'accord, c'est grand alors. C'est très grand. Et elle est où cette dame? Elle est rue du Golaire, à Auray, ouais, à côté du centre Athéna. Ah ouais, c'est vachement loin. Ben non, enfin, puis c'est à Rigolade. Eh, c'est pas Paris, hein, Auray. Non, c'est pas Paris, mais c'est 20 minutes à pied. Et il y a une petite côte. Et puis il y a la petite côte. D'accord, ok. Bon, c'est déjà très sympa. Ouais. Et alors, qui est Dalek, Catherine? Catherine, c'est la professeure qui est en même temps journaliste à Ouest-France. Ah, voilà, c'était ça. Après, Dubois, je connais. Ouais. Dudoc, je connais. Dugard, qui c'est Dugard? Dugard, c'est un collègue à moi qui est encore d'activité jusqu'à octobre prochain. D'accord. Donc, il est secrétaire de la sauce Aria 2ED. D'accord. Et lui, il est intéressé par ce qui se passe. Voilà. D'accord. Mais pour l'instant, il est coincé. D'accord. Qui est Gandon? Eh bien, c'est une nouvelle. D'accord, c'est bien. Françoise Gandon, qui habite aussi dans le secteur et qui passe régulièrement devant le jardin. D'accord. Et qui est très contente de savoir qu'on va en faire quelque chose. Donc, elle va être aussi dans l'entretien de ce qui est fait. Ah, ça c'est bien. Voilà, mais je voulais t'en parler de ça. L'Auvergnais Gilbert. Ah, ben c'est ton voisin du dessous, là, voilà. J'ai mis en gras ceux qui ont l'accès à Dropbox Paper. D'accord. Ok, mais oui, c'est ce qui a été indiqué. Je leur donnerai l'accès que s'ils le demandent. D'accord. Ben, c'est bien. Oui, oui, ben, il faut ouvrir progressivement et voir un peu. Et Le Pennec, Marion. Alors, c'est la, l'artiste. L'artiste. D'accord. L'artiste qui logeait rue du Sablaine aussi et qui est en train de déménager et qui, donc, pour l'instant, ne peut pas trop s'investir. Mais qui était hyper motivé au départ. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Alors, après, il y a tous les gens de Souffel-Veyer. Veyer-Achat. Oui, c'est. Jean-Pierre et sa femme, qui veulent s'investir aussi là-dedans, mais ils sont déjà retraités, donc en fait, ils attendent juste le feu vert pour d'accord, aller. D'accord. Ce qui est bien, c'est que Agnès Malrich, c'est une ancienne pharmacienne. Ça, c'est oui. Des gens précieux, si elle a une petite formation en herboristerie ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Alors, après, Martin Daniel. Bon, c'est des artistes. Alors, elle est en retraite à partir de juillet. D'accord. Donc, elle aussi, elle est intéressée, mais elle ne sera disponible qu'à partir d'eux. D'accord. C'est aussi, c'est une... Ce sont des gens, en fait, Malrich, Martin et Dugard, ce sont des locomotives, ceux qui font partie de l'association et qui sont des porteurs de projets en puissance. Quoi. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Des gens qui ont encore la pêche. Ce sont des rentrants de l'art. D'accord, mais c'est très bien, il en faut, il en faut. Il faut les maîtriser aussi, mais il en faut. Raka Karen, artiste. Ouais. Artiste, c'est une qui intervient déjà auprès de jeunes au lycée de Kerplouz. D'accord. Tu as eu des contacts avec Kerplouz ? Oui, alors je suis allé, c'était jeudi, entre vendredi, entre 16h et 19h, il faisait 3h de porte ouverte. Et donc je suis allé rencontrer les professeurs là-bas, à l'invite de Catherine, puisqu'elle est déjà un professeur là-bas. Mm-hmm. Et du coup, j'ai pu discuter avec 4 professeurs, et il y en a, comme ils étaient pris pour la visite du lycée, j'ai pu en déboulonner un pour qu'il vienne avec moi sur le terrain. D'accord. Et il est venu. C'est un professeur en topographie et en paysage. Ah, mais ça t'a rendu service, là, toi qui voulais faire des relevés. Voilà. Ouais. Il y a de quoi faire. Ceci étant, ils ne sont pas très spécialistes en la matière. Mais ça peut évoluer, parce que quand je suis arrivé à Aubernais sur le lycée d'agricole, ils n'étaient pas bons du tout en topographie, et puis ils le sont devenus. Hein. Bon. Non, ils travaillent au GPS. Hein. Ah, ben ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, ben voilà, on a la liste s'est bien allongée. Alors, il n'y a pas les professeurs de Kerplouz, parce que en fait, je pense qu'il faudra que je fasse, comme je dois venir le 12 septembre pour faire une présentation à l'association de protection de Saint-Goustan. Il est fortement probable que je ferai une présentation aussi à la municipalité et au lycée de Kerplouz. D'accord, ça c'est bien. Pour dire en fait ce qu'est le projet et ce que chacun peut y trouver et y avoir. D'accord. Et on sera quand là, au mois de septembre ? Le 12 septembre. Le 12 septembre. Alors, c'est un samedi. Je vais noter ça, on va voir. Parce que nous, normalement... Alors, je ne sais pas si, en fait, ça sera 12 septembre et après, ou 12 septembre et avant. J'attends, en fait, la première réaction de la municipalité ou du lycée. D'accord. Pour décider quand est-ce que ça sera. Je pense que ça sera plutôt après. Parce qu'il y a la rentrée du lycée. Ouais. Et quand on arrive trop tôt, c'est trop tôt. Oui. Alors, moi, j'avais un message à te faire passer. Des gens à rencontrer à Auray. Ça s'appelle... Alors, faut que je recherche. Non, j'y pense parce qu'on en parle, mais sinon... J'avais plus ça Auray. Imprimante 3D. Je mets imprimante 3D. Je vais peut-être les retrouver par ce biais-là. Alors moi j'ai une autre association qui est intéressée, qui suit pour l'instant l'affaire sans y intervenir, c'est la main verte du pays d'Auray. Des gens qui en fait valorisent les terrains pour faire du maraîchage. D'accord. Alors, c'est la fabrique. Non, c'est pas la fabrique. Ah oui, la fabrique, j'y suis passé. Ah, tu y es passé ? Oui, c'est le Fab Lab. Le Fab Lab, voilà, c'était ça. Alors, ça, c'est bien. Ouais, tu passais pas loin quand tu revenais. Ouais. Quand je suis allé à Auray, en fait, j'ai fait des courses et puis je me dis, tiens, mais c'était là le Fab Lab. Je pensais qu'il était à l'extérieur d'Auray. Non, il est dans la rue. Ouais. Du coup, j'ai pris le dépliant, j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait. Voilà, il y a des choses. Alors, oui, il y a des choses. Ce sont des gens intéressants que je connais peu, hormis de les retrouver. Dans toutes les associations font des journées des associations et des trucs comme ça. Et nous, avec Michaela, on y va. Et j'ai rencontré ces gens-là qui m'ont paru très techniques, si tu veux. Un peu trop pour moi, d'ailleurs. Mais je pense que c'est des gens qui ont pignon sur rue à Auray et ça serait bien que tu les sollicites. Je pense que ça serait une très bonne idée, le Fab Lab. C'est mon intention. Bon, ça c'est bien. Mais tu peux causer avec eux par téléphone avant, hein. Oui, oui, tout à fait, ça se prépare. Oui, oui, tu peux le préparer. Parce qu'ils ouvrent qu'un seul jour par semaine. Bon, c'est pas très accessible, si tu veux, comme truc, quoi. Voilà. Ben là, ça l'était encore moins parce qu'il y avait plein de. Il y avait toutes les précautions d'hygiène et tout ça. Ouais. Alors, déjà que c'est pas très accessible, mais je pense qu'avec le Covid, ça va être l'exploit. Bon, voilà, c'était ça que je voulais te dire. Bon, eh ben écoute, l'équipe commence à se constituer. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui, ça s'enrichit. Ouais, ça s'enrichit. Alors, par contre. Ce qui me paraît très intéressant pour toi, c'est que tu es quelqu'un sur place qui veille au grain. C'est-à-dire quelqu'un qui soit prêt à mettre un peu la main à la pâte, soit prêt à te faire passer des messages quand il constate qu'il y a eu ci ou qu'il y a eu ça sur le terrain, quoi. Quelqu'un qui soit là, quoi, qui soit présent. Et est-ce que tu vois une personne ressource? J'essaye de solliciter Gilbert là-dessus, mais il est un peu tête en l'air. Voilà. Et ça, c'est un peu embêtant. Par exemple, il m'avait dit... Excuse-moi. Ah, c'est... Allô? Allô, bonjour, monsieur Prébert. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Gwenaëlle Soulet qui a confié à la banque postale. Ah, bonjour. Alors, ça, c'est un peu compliqué parce que je suis en conférence là-haut. Bon. Je vais juste vous poser une question. J'ai reçu de Perspective Capi, là, un contrat sur les deux. Et qui ne porte pas la même référence que celui que vous m'avez fait signer. C'est normal. Ah, ben ça va. Ouais, d'accord. En fait, il y a le numéro de contrat, il y a le numéro de demande d'adhésion qui est différent. Oui, bon. Alors, Perspective Capi. J'en sais rien, puisque ça ne correspond pas. Ouais, je vois les montants, hein, c'est pour ça que je me dis qu'il y en a. Il y a la moitié du chemin qui est fait. Mais voilà. Oui. Les contrats sont actifs en date du 22 juin. Donc là, vous devrez recevoir les documents dans les jours qui viennent pour le deuxième. Deuxième, d'accord. Donc je vais attendre le deuxième hein, parce qu'il faut retourner. C'est trop compliqué si vous voulez retourner des papiers signés. Vous m'envoyez encore 2 kilos de papier là aujourd'hui. Je vais en recevoir 2 autres demain. Oui, et puis... il faut vivre dans son temps là. Hein, pour faire des progrès. Bon, alors, donc, j'attends le deuxième kilo de papier, là, et je vous retournerai le document, parce qu'il ne s'appelle pas du tout comme ce que j'ai sous les yeux. Hein, Oui, c'est le numéro de contrat qui correspond pas. Bah oui. Ils ne reprennent pas du tout le numéro qu'il y a sur votre... Non, pas du tout. Ils me disent que je m'appelle... Perspective Capi C3C, si vous voulez noter, C3C 006 226 espace 13. Ça ne correspond absolument pas avec ce que j'ai. Attendez, excusez-moi. Philippe, tu m'excuses une seconde là hein, Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Bon, voilà. Alors. Oui, donc ça croit. Voilà. Qu'est-ce que. Allô ? Madame Toulek ? Allô ? Fin d'appel. Ça. Tu discutes avec quelqu'un. Non, mais ici, qui bon, c'est vraiment une punition, tu vois. Elle va rappeler. À des moi. Kilos de papier. Mais ouais, elle t'envoie des kilos de papier. Et encore, elle, ça a été, là, mais... Non, c'est pas possible, ça. Elle va rappeler. C'est les kilos de papier pour les administratifs, c'est comme le béton pour le BTP. C'est, t'en as pour ton argent, comme ça. Bah, ouais, mais le béton du BTP... Là, voilà. Allô ? Oui, on est coupé. Bah oui, on est coupé. Bon. Oui, bon, après, je fais ça là. Pourtant, Oui, ça aussi, ça. Vous êtes toujours sur Auray ? Non, je suis à Quiberon, là, en ce moment. Vous êtes à Quiberon, et je suis à Quiberon pour 3 mois au moins. Hein ? D'accord. Entendu. Vous voulez venir ? Comment ? Vous voulez venir ? Oui, mais bon. Oui. C'est vrai que c'est pas mon secteur, mais vous avez une enveloppe pour le retour pour les certificats d'adhésion ou pas ? Ah non. Sinon, vous me laissez pas revenir à moi et je me débrouille. Hein. Mais non, je les ai pas. J'ai pas d'enveloppe pour le retour. En plus, je dois payer un timbre. Attendez, ça, c'est là. Bon, c'est pas grave, ça. Mais ce que je voulais, c'est que vous me contrôliez bien que les numéros que j'ai correspondent bien, parce que j'ai que les sommes pour me guider, si vous voulez. Et c'est là où j'ai vu qu'il n'y en avait qu'un seul sur les deux, quoi. Est-ce que... qu'est-ce qui est plus facile pour vous ? Parce que là, je sais que vous êtes en ligne. Oui. Ah, mais je les ai sous les yeux. Ah, bah alors, je vous écoute. Mais je viens de vous les donner, les numéros. Ah non, mais je ne les ai pas entendus, alors. Ah. Perspective KPI. Oui. Numéro C3C. Ah, mais ça, c'est ceux que... Oui, donc ces numéros-là, je les ai, mais les documents que vous avez reçus... Mais c'est de ça dont je vous parle. De mon kilo de papier d'aujourd'hui. Non, c'est pas les mêmes numéros, madame. C'est pas les mêmes numéros. Mais non, c'est pour ça que je vous appelle, parce qu'on n'y comprend rien. Oui, mais le C3C, moi, le numéro que je vous ai donné, il commençait par C3C aussi, de mémoire. Oui, mais après, ça, c'est plus la même chose. Ah. Alors, c'est C3C, espace, 006, oui. 226, oui. Espace 13. Espace 13. Vous l'avez noté ? Bon, vous m'avez entendu, donc ça va. Bon, okay. Ben, écoutez, vous allez éclaircir ça. Et, ah, puis là, j'ai un autre... Non, c'est bien ça. Non, voilà. Ben, vous éclaircissez ça, puis vous me rappelez, hein, parce que c'est quand même bizarre, hein. Ok, ben, je me rappelle, mais là, je suis à Radon, alors j'ai pas votre dossier. Ben, alors, c'est gentil de m'avoir rappelé. Demain, ça... Laissez-moi un texto pour me dire, voilà, c'est bon, ça va, c'est... Parce que les montants sont bons, hein, le montant est bon. D'accord, entendu. C'est simplement une divergence au niveau des numéros qu'il faut que je contrôle. Ok. Ben voilà. Vous me rappelez, hein ? Allez, au revoir, madame. Merci, bonne journée. C'est une punition. Une punition. Bon, allez. C'est ce que j'ai évité, jardin merveilleux. Ah ben oui, non mais ça, il n'y a pas de mal. Mais à un moment donné, tu vas te retrouver bloqué quand même, tu verras. Mais bon, alors... De toute alors, façon, si on envisage un projet européen, il va y avoir du papier. Ça, c'est... Non, ils sont pas dans les papiers, ils sont dans les trucs vraiment Internet, envoi... Eh ben tant mieux, mais tant mieux, moi c'est ce que je demande que ça. Mais ils ne sont pas encore... je ne sais plus où on en était, moi. Alors, toi, tu disais, tu étais en train de suggérer qu'il y ait quelqu'un sur le terrain. Oui, ah oui. Une personne ressource sur le terrain, sur laquelle tu peux t'appuyer, avec qui tu peux causer, etc., etc., quoi qui passe. Tu peux l'appeler pour dire... J'y pensais, mais en fait, je suis en train de sonder un peu et de tester les personnes qui entourent. La bonne personne, Et c'est vrai que pour l'instant, je ne sens pas trop Stéphane là-dessus. Catherine, peut-être plus. Ouais. Elle va être... alors, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Qu'elle allait être en... Ben, elle va prendre sa retraite. Donc, elle va être un peu plus libre. D'accord. Elle a des chances. Elle est sympa et elle est assez rigoureuse. Pour une artiste, c'est bien. C'est elle qui est artiste. Non, elle est professeure. Ah, elle est professeure. Bon, professeure d'éducation socio-culturelle. Ah, mais ça, c'est bien, des gens comme ça. C'est des gens qui causent, qui savent parler aux gens, se faire comprendre. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ouais. Professeure d'éducation socio-culturelle et elle est journaliste à l'Ouest France. Ah, c'est la fameuse qui est journaliste à l'Ouest France. Ouais, elle écrit bien, c'est bien. Bon, mais ça, c'est une bonne personne, mais est-ce qu'elle aura le temps Eh bien, je ne sais pas. Là, pour l'instant, je dirais que je suis à l'observation. D'accord. De toutes ces personnes. Parce que tout aussi bien, même dans les personnes qui sont venues à la partie musicale, Il y a des gens qui sont très chouettes pour faire ça, qui passent beaucoup plus de temps sur le terrain que ne pourrait le faire Catherine. Catherine, elle n'est pas loin de la rue du Golaire. Elle est juste à côté. C'est quoi la rue? C'est où la rue du Golaire? C'est là où je dormais. Ah oui, à côté du centre. D'accord. À côté de Christiane. Ouais, d'accord. Ok. Et alors, petit à petit, en fait, j'essaye de rassembler des gens. Mais il faudrait trouver quelqu'un sur place. Il faudrait trouver quelqu'un sur place. Sur place, sur le jardin? Oui, dans le coin. Bah oui, il y a du monde. Ah oui. Bah justement, là, il y a une... La, comment elle s'appelle, là? Gandon. Gandon. Mm-hmm. Est-ce qu'elle est? Oui, Gandon. Françoise Gandon, elle est quasiment sur place, elle. Bon, bah c'est bien. Parmi les trois, en fait, qui sont venus me voir, Françoise, elle est quasiment sur place. Il y en a une que... Dubois. Geneviève Dubois, donc c'est chez toi. Ben, Geneviève Dubois, tu ne comptes pas sur elle pour veiller au grain. Elle n'a pas du tout la tête à ça. Et en plus, je ne pense pas qu'elle serait intéressée par ce genre de choses. Oui, oui. Bon, en tout cas, l'idée, c'est de trouver une personne ressource. C'est ça. Et sur qui tu peux t'appuyer, quoi, s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Hein? Est-ce que tu fais partie du lot des personnes ressources possibles? Ah, ça c'est une bonne question. Ben, ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Si c'est pour intervenir physiquement sur le jardin, non, je suis pas la bonne personne. Je serais assez catastrophique de ce côté-là. Si c'est pour une relation d'entre gens, etc., mettre des gens en rapport, échanger, etc., oui, oui, ça, je veux bien m'impliquer. Mais, pour échanger, bah, tu commences à me connaître, quoi. Tu commences à voir et à déceler mon profil, hein. Mmh. Moi, je veux bien aider d'abord, il faut que je sois là. Il y a 3 mois de l'année où je ne suis pas opérationnel. Et puis, d'un autre côté, côté jardin, je suis une catastrophe, quoi, si tu veux. Donc, il faut éviter tout ça. Mais si tu as besoin d'un coup de main en urgence sur place, bien sûr. Bien sûr. Mmh. Mais je ne peux pas être une bonne personne ressource. Non, pour l'instant, je ne sais pas trop, mais je vois que, le vivier s'agrandit. Et surtout à fréquenter toutes ces personnes, je vois en fait quels sont les avantages et les inconvénients. Il y avait quelqu'un qui était très bien, qui paraissait assez organisé, mais qui est complètement phagocyté par son problème, c'est Madame d'Anjou, la maison blanche qui est en bas. Attends. La maison d'Anjou, elle figure pas sur la liste là. Ah non, je l'ai pas mise dedans. D'accord. Parce qu'elle est phagocytée par son Alzheimer de mari. Alors d'Anjou, attends, j'essaie de repérer la maison blanche qui est en bas. C'est tout en bas, au-dessus de la falaise. Tout en bas de quel côté? Elle est en fait quand on descend notre falaise, on a le quai 9 et de l'autre côté du quai 9, il y a une seule maison qui est au bord de l'eau. Une grosse maison blanche avec un jardin. D'accord. Oui, je vois. D'accord. Ok. Je connais pas cette personne. D'accord. Ok. Non, et moi je suis allé la voir une fois. Je lui ai envoyé un message parce que j'ai échangé quelques petits, quelques mouvements et quelques mots avec son mari qui était dans son jardin, mais qui est atteint assez sévèrement d'Alzheimer. Assez sévèrement. Ouais. C'est ça. Bon. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ces situations comme ça. Eh ben oui. Tu sais un truc auquel je pensais, ça serait bien de mettre les années de naissance. Comme ça, ça... Bon, alors... Je sais pas, je te fais une suggestion. Mettre les années... J'ai pas demandé, comme c'est un renseignement que je n'ai pas demandé à quiconque, je ne le sais pas. D'accord, ok. Bon, À la rigueur, lorsqu'on sera un peu plus intime les uns avec les autres. Oui, tu pourras affiner petit à petit. Bon, en tout cas, moi, je te félicite parce que je trouve ça très bien d'avoir élargi ton, ton auditoire. Tu ne m'as pas parlé de la musique. Alors, comment ça s'est passé avec ton violoncelle? Ah ben, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai pratiquement rien préparé. Ouais, d'accord. C'était pas le but. Moi, je voulais parler aux oiseaux. D'accord. Et à la rivière. Donc, en fait, j'ai joué face à la rivière et à la végétation et aux oiseaux. Et donc, ils étaient juste à côté. D'ailleurs, j'ai mis une petite photo hein, sur le site. Hein. Ah, j'ai pas vu ça. Sur le site. Ah, faut que j'aille. Dans un jardin. Dans un jardin, en fait, il y a tout ce qui a été fait pendant ce séjour. D'accord. Sur le site, tu dis. Oui. Alors, on va aller voir le site. Tac, tac, tac. Alors, le site. Jardin, il est là. Dans un jardin. J'ai pas été voir le site. Bon. Tu as raté plein de trucs alors. Ah, c'est sûr. Ah, c'est bien, c'est bien. Là, je te vois. Bon, alors, ouais, c'est bien avec les gens qui écoutent. Toi, face à la rivière. Qu'est-ce que c'est la sonorité? Comment ça se passe? Eh bien, c'est super bien. J'avais essayé ça avec Catherine, puisqu'on devait faire des photos. Elle devait faire des photos. Donc. Pour Ouest France, et que j'avais commencé à jouer, et il y a la réverbération sur le mur qui est derrière, qui fait que c'est une véritable salle de concert en bas. C'est super bon, super bien. D'accord. Il y a un endroit, en tout cas, que je n'ai pas essayé, que je voudrais bien essayer à un moment, c'est la grotte. Ah oui, là je vois que tu n'es pas sur la grotte, là, d'accord. Ah. Ok, bon, mais ça c'est bien, ça c'est bien. Et qu'est-ce que tu as joué? Eh bien, j'ai joué tout ce qui me passait par la tête, tout ce que comme j'ai mis dans le. Où est-ce que je l'ai écrit ça? Ben, je l'ai. 12 à 15 personnes réparties sur le terrain et au bord de la rue pour un moment de communion avec CDD. Avec, voilà. Et alors, communion, je ne sais pas avec. C'est une communion avec les uns avec les autres. Enfin, tout le monde était très attentif. Ton propos est coupé, hein? Pour un moment. Pas coupé, c'est moi qui ai fait exprès de que chacun mette en fait le complément. Mais ils peuvent pas intervenir là. Est-ce que c'est avec la musique, avec le site, parce qu'en fait beaucoup m'ont parlé de la vue du site. Tu vois, il y a les trois personnes qui sont, elles sont finalement, j'aurais passé une couverture pour qu'elles puissent s'asseoir là. D'accord. Et en fait, chacune regarde quelque chose. Et tout à fait. La personne qui est en gris, en fait, elle regarde le mur. Je t'avais dit le mur. D'accord, ouais, d'accord. Ok. Bon. Il y en a une qui me regarde jouer et l'autre qui est à regarder la rivière. La rivière. Ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est dommage que les photos ne soient pas. Bon. C'est un autre. Monsieur le spécialiste. Non, c'est pas le fait d'être spécialiste, c'est le fait. Il y a des règles en photo, quoi. Voilà. Bon. Eh bien, c'est bien ça. Ouais, attends, j'avais pas vu. Elle est vachement bien ta page. Elle est vachement bien. Elle est bien, des massifs qui se jettent. Ouais, c'est bien. Bon. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est sympa. Alors, ah ouais, celle-là aussi, elle est bien. Alors, celle-là, tu l'as prise d'où? Je suis sur le panorama qui est en dessous tes propos lorsque le nageur se développe, le mouvement saisit. Tu le vois, ce panorama? Alors, où on voit... Pardon? De quel commentaire, là? Ben tu l'as fait le 28 avril. Bon, le jardin s'éveille dans une nouvelle perspective. Photo club. Ah, c'est moi qui l'ai fait? Ah, ouais, d'accord. Ouais, je me dis... Ben, la photo. Je me disais, c'est pas mal. Bon, ça manque un peu de netteté, ben, parce que c'est pris de vachement loin, et puis moi, j'ai pas de téléobjectif. Mais voilà, bon, mais on voyait bien le jardin. Bon, c'est pour ça que... Ok, d'accord. C'est très bien. Bon, c'est très très bien. Alors ça, c'est... Oui, on était à la personne ressource, ensuite on a abordé le concert. Oui, tu m'as toujours pas dit ce que tu avais joué, quoi. Ce Moi, que... j'ai joué des extraits de. J'ai commencé avec La Folia de Maramarais, qui est Oui. Renaissance. Baroque. Baroque, voilà. Baroque. J'ai Renaissance. enchaîné avec le prélude de la deuxième suite, qui était dans le même temps, deuxième suite de Bach, D'accord. que j'ai enchaîné ensuite avec deuxième mouvement du concerto de Boccherini, qui est en sol mineur. Ça, c'est bien, Boccherini, c'est bien. Bon, alors, ça a été enregistré, ça? J'ai enregistré, mais c'est inaudible. Ah merde. Alors, je l'ai, en fait, je l'ai. Il y a une C'est pas, vidéo? c'est, il n'est pas, il est pas enregistré. Il est inaudible pour moi, musicien, parce que j'ai démarré, en fait, avec pas mal de notes fausses. D'accord. Et donc, j'ai commencé à écouter ça et j'ai arrêté parce que c'était insupportable. Tu t'es fait peur. Tu t'es. Ouais, c'est comme moi et la photo, quoi. Tu vois? On se fait peur. Mais il n'en reste pas moins que. T'as mis ça sur YouTube, quelque chose? Pas du tout, il faut que je le regarde d'abord et Tu vas le faire. alors, avec Sylvie, elle me disait, bon, bah, écoute, tu peux éventuellement, ça fait 30 minutes, hein, Ouais, quand même, c'est bien. 30 minutes de vidéo avec un son qui est très bien. C'est Bon. juste moi qui joue pas bien. Mais c'est pas grave. Mais en fait, j'ai démarré, je dirais, sans préparation, je ne me suis même pas lavé les mains alors que j'avais fait une vidéo. Jardinage toute la journée, Violoncelle donc déjà. ça collait comme c'était pas possible. Enfin, bref. D'accord, bon. Et c'est petit à petit que les doigts se nettoyant sur les cordes, j'ai pu Oui, commencer. mais tu salopais ton violoncelle. Mais bon, Voilà. c'est pas grave. C'est bien ça, c'est bien. Fais une jolie vidéo de ça. Je Mets vais faire ça ça sur cet YouTube. après-midi. Et puis après, on va voir ce qu'on en fait. Parce que là, il y a un truc à faire. Là, il y a un truc à faire. C'est un truc à faire et à refaire. Parce que, en fait, ils sont tous, ils reviennent tous, hein. Ben oui, bon. Et est-ce que le violoncelle a attiré du monde? Qu'est-ce que Quand tu je pense jouais, que de c'est façon spontanée, anecdotique. des gens C'est qui passent, anecdotique. tu comprends? En fait, il y a sur le terrain, j'ai eu 7 à 8 personnes qui sont descendues sur le terrain Pendant que tu jouais. pour discuter avec moi. D'accord. Les autres, en fait, sont restés dans la rue, là-haut, D'accord. et ont tous pris, j'avais tiré des tracts, D'accord. où au-dessus, il y avait, en fait, le site du Jardin Merveilleux, mes coordonnées, tout. D'accord. Donc, les tracts, beaucoup de tracts sont partis. Et ils savent où me trouver, ils savent en fait ce qui se passe. Puisque sur le tract, en recto, je parlais de la prestation, et en verso, je parlais du jardin merveilleux. D'accord, très bien. Non, l'idée, si tu veux, quand tu dis que c'est à renouveler, moi je suis intimement convaincu que ce jardin merveilleux va bien sûr prendre, va naître petit à petit des contributions de chacun, mais je pense qu'il faut un supplément d'âme, hein, pour rendre le jardin merveilleux. Voilà. Hein. Et ce supplément d'âme, la musique peut être un excellent vecteur. Tu parlais de performance à un moment donné. Qu'est-ce que... Ben ça, il n'y avait personne. Bon, Moi, d'accord. j'ai mis dans l'article que en fait tout le monde pouvait se joindre en acoustique, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas avec de la guitare électrique ou des trucs comme ça. Bien sûr. Et bon, il n'y a personne, mais c'était attendu. À partir du moment où ça a été annoncé le samedi, prendre les gens comme ça au dépourvu, c'est pas évident du tout. Non. Il faut oser, hein, il faut oser. Non. Mais à mon sens, ça, il faut le recalibrer, le repréparer. Quand tu viens au mois de septembre, on peut espérer des beaux jours. Et il suffirait que tu envoies, tu regardes la météo sur Auray ou tu me demandes, moi j'aime bien regarder ça un petit peu dans le temps, et organiser un concert en fin d'après-midi. Comme ça, avec un beau soleil, etc., etc. et envoyer un petit rédactionnel à ta copine, la journaliste. Oui. Mais tu la préviens une semaine à l'avance, comme ça, elle va annoncer la chose. D'un autre côté, si tu peux avoir deux, trois artistes alréens, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine. Pour trouver des artistes alréens, tu as un bon endroit, et tu n'étais pas loin, c'était la médiathèque. La médiathèque, tu vois où elle est maintenant, cette grande place. Oui, oui. Hein? Et de rentrer là-dedans, et d'abord ils y font des spectacles, cette médiathèque, et ensuite tu pourrais avoir de bons contacts avec des gens, ils louent même des instruments si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Là tu peux faire ça. Il y a aussi une chose, peut-être es-tu passé devant, est-ce que tu vois entre la... quand tu as le dos, la médiathèque dans le dos et que tu te diriges vers le centre-ville, tu passes à côté d'une grande chapelle. Oui. Tu la vois, cette chapelle? Oui. Eh bien, sur la place, quand tu as la chapelle dans le dos, à gauche, tu as une redoutable... comment ça s'appelle? Les gens qui jouent du biniou, là. Oui. Oui, d'accord. Bon. Oui. Et eh bien, tu as quelqu'un de très célèbre, des gens très performants, paraît-il. C'est pas mon oreille, c'est pour ça que je t'en parle que du bout des doigts, mais qui sont très bien notés dans toutes les performances celtes et autres gaéliques. Alors j'ai, en fait, je crois que dans ce band-là, je crois que c'est ça, hein, ils appellent ça un band. Non, ça s'appelle pas ça, un band. Non, c'est un autre nom. Si ça me revient, je te le dis. Ouais. Il y a Annick Dujardin à son fils, qui joue justement un instrument et qui est assez connu. Eh ben voilà. Voilà. Voilà. Elle m'avait envoyé d'ailleurs ses coordonnées, enfin, non, elle n'a pas envoyé ses coordonnées, elle m'a envoyé des articles parlant de lui, justement, sur ses trucs celtiques. Eh ben, tu vois. Donc, et déjà, les bagades, ça s'appelle les bagades, B-A-G-A-D. Oui, c'est ça, bagades. Bagades. Et ces gens-là, tu les as sollicités? Non, pas encore. Bah non, c'était trop court. Ah, t'as vu ça il y a quelques jours, d'accord. Ok. Oui, le coup du violoncelle, c'est j'attends la fin du confinement pour qu'on puisse y aller, et puis j'avais l'intention déjà de tester l'acoustique locale, et puis d'écouter et de parler au site. Voilà, c'était par rapport au site. D'accord. Et alors maintenant que les choses se sont dites, en gros... là oui, on va pouvoir mobiliser d'autres personnes. Mais l'objectif, c'est pas de faire une salle de spectacle. Non. L'objectif, à mon sens, c'est de d'abord tester l'acoustique. Ça, c'est bien. Je pense qu'un jardin merveilleux, eh bien, la musique doit être à l'honneur, me semble-t-il. Hein, et tu en es la parfaite démonstration. Et je pense que par la musique, tu vas drainer du monde. Tu fais venir les bagades, t'imagines pas, t'as 150 bretons sur le jardin. Oui, mais là, on va rentrer dans une autre perspective qui est qui va sur ce terrain qui est en partie dangereux. Oui, tout à fait. Alors, ça, on va y venir parce que ça fait partie des choses que je voulais voir avec toi. Mais si il y a de la musique, il faut bien sûr circonvenir ton auditoire, que tout ça soit bien préparé, quoi. Hein? Il faut que ça soit bien préparé. À partir du moment, là, moi, j'ai prévenu les gens qui sont rentrés sur le terrain. Ouais. J'avais mis un petit panneau à l'entrée, d'ailleurs. Où j'avais mis attention, Enfin, vous prenez des risques. Oui, oui, oui, oui. Voilà. Là-dessus, parce que je ne peux pas l'ouvrir, je n'ai pas du tout l'intention de l'ouvrir au public. Si les gens viennent en public, ils s'installent dans la rue, qui est dans le domaine public. Par contre, ceux qui rentrent, soit ils font partie de la sauce pour y travailler, soit je suis obligé de les inviter tout dans à fait. Mon jardin. C'est ce que tu as expliqué, avec ta responsabilité civile perso. Mais, ouais. Accueillir des groupes entiers, alors là, c'est... Non, mais l'idée, si tu veux, c'est de ramener du monde, le garder, bien sûr, oui, sur la rue... Ça s'appelle rue 9, rue 9, hein. Les garder rue 9, mais ça sera bien, si tu veux, t'auras du monde. Mais il faut préparer ça, quoi, préparer ça, alors... Peut-être que la bagade, c'est peut-être pas tout à fait ce qu'il faut, mais peut-être qu'un petit orchestre de chambre sera un peu plus réaliste, mais il y a quelque chose à faire. Il y a une chose que je voulais tenter, qui est en fait une espèce de... Peut-être une... J'allais dire une provocation, parce que le quai qui est en bas, en fait, est appelé par tout le monde quai d'enfer. Ah bon ? À cause des bagnoles qui circulent, des gens qui s'invectivent parce que en fait on a du mal à se croiser, ouais. Et qui en fait stationnent n'importe où, n'importe comment, ce qui fait que les gens marchent sur la route alors que les trottoirs sont occupés par les bagnoles. Voilà. Exactement. Et donc c'est de dire bon bah puisque on est dans cette, on va essayer de changer un peu l'optique de la chose et utiliser la grotte, c'est-à-dire utiliser la grotte comme une scène. Dans laquelle on va pouvoir proposer des choses. Et là, on va trouver les voitures inappropriées pour ce genre de choses. Ouais. Et donc, ça va peut-être pousser la municipalité à trouver une solution pour que les voitures ne viennent plus là. Ah, mais ça... alors... Ça, j'aimerais que ça marche. mais quand tu vois que la municipalité... laisse pendant de très longues périodes l'été devant le café de l'Armorique, devant le port de Saint-Goustan, il y a l'espèce de bite là qui monte automatiquement et oui. Eh bien il les baisse et pendant de très longues périodes, ce qui fait que les gens ils vont sur les quais en bagnole, en moto, entre tout ce que tu veux et c'est le souk, hein, mais Ça sera intéressant d'interpeller la nouvelle municipalité. J'ai vu que tu avais prévu ça dans tes réflexions. Ça sera très bien. En fait, les trois, suite à l'article, puisque comme on était en période préélectorale, bien entendu, Rochelle avait déjà pris contact avec moi, donc lui, il est au courant, il a répondu d'ailleurs là-dessus. Et la réponse qu'il a faite a fait partir Daniel Kuhn, qui était intéressée par le projet parce qu'elle a pensé que le projet était politisé. Et du coup, j'ai eu un échange avec elle pour rattraper la chose. Très bien. En lui disant, Rochelle, il est dedans parce qu'il est maire et qu'il a souhaité personnellement s'investir, encourager la chose. Ouais. Mais en fait, le premier qui a donné son aval, c'était Dumoulin. Ouais. Et en fait, Marion Masson, Claire Masson, Claire Masson, est aussi au courant et elle m'a aussi écrit. Donc, les trois sont dedans. C'est très bien, c'est très bien. Et il faut être très écuménique dans ce domaine-là, surtout en attendant ce qui va se passer. Bon. Oui. Dans les échos que j'ai, Claire Masson est bien placée. Et ensuite, derrière, Jean Dumoulin aussi. Ce qui fait que Rochelle est un peu... affaire à suivre. S'il est en tête de liste, il y sera quand même dans le conseil municipal. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui, mais il faut connaître l'histoire. C'est que Claire Rochelle a viré du jardin. Claire Rochelle. Pas Claire Rochelle. Rochelle, le maire. C'est Joseph Rochelle, c'est lui qui a viré du jardin ? Oui. Il faisait partie... Dujardin était le précédent maire. Et Dujardin s'est fait virer Manu Militari par Rochelle. Et son... Du Moulin. Du Moulin, voilà. S'est fait virer Manu Militari par Rochelle, de très mauvaise façon, si tu veux. Pour des histoires de budget, de trucs, voilà. Ne votant pas à Auray, on s'en est pas mêlé, mais ça a été très mal vécu par par certains Alériens. Donc il faut être très prudent, c'est un panier de crabes. Là-dedans, c'est un panier de crabes. Mais effectivement, au mois de septembre, tu verras plus clair. Hein. C'est ça. Le temps travaille pour nous. Là, c'est ça qui est bien, c'est ne nous pressons pas. De toute façon, il y a tellement de bazar en ce moment. Entre les élections, coronavirus qui n'est pas fini encore. Et qui n'est pas prêt d'être fini. Et le côté économique là, qui lui va être très chaud. Là. Ouais, ça va être énorme. Bon, écoute, moi je trouve cette petite revue très, très intéressante. Maintenant, je te propose, moi j'aimerais bien aller faire un tour sur tes projets. En fin de compte, je vois que tu te sers bien de Paper. Ça te plaît bien, j'ai vu. Bah, c'est plus facile d'accès, c'est plus réactif, c'est plus. Voilà. Hein. Et les bonnes idées. Voilà. J'aimerais qu'on parle des bonnes idées. Et les bonnes idées, alors on va y arriver. Ah, il n'y a pas de réseau. Si, ça va. Alors, installer un hôtel à insectes sur le cerisier, ça c'est très bien. Voilà. Créer. Alors, qu'est-ce qu'il va installer? Est-ce que tu peux mettre des noms ou est-ce qu'on est au rythme des projets là pour l'instant? Alors, tu aurais avantage à moduler ta voix, parce que en fait, c'est lorsque tu commences à parler fort que ça... Ah, je parle trop fort. Ça sature. D'accord, alors je vais parler moins fort. D'accord, ok. Oui, les différentes installations, l'hôtel à insectes, qui va s'en occuper? Est-ce que tu peux mettre des noms à côté? Attends, là, il s'agit des bonnes idées. Oui. Il ne s'agit pas, en fait, de l'aménagement. Aménagement du jardin, c'est la partie opérationnelle. Là, il s'agit en fait d'avoir. On a en fait plein de propositions, dont certaines ne vont pas être reprises parce que c'est trop. C'est pas tout pour tout de suite, déjà. Tout n'y est pas, en plus de ça, hein, concernant les installations, là, ce sont vraiment des propositions. Il y en a eu plein d'autres qui ont été faites par Stéphane. Stéphane, il m'a dit, il ne faut pas me poser ce genre de questions parce que j'en ai une toutes les secondes. Bon. Et lui, il disait, ne serait-ce que par exemple sur les parois verticales, on peut mettre aussi des choses, des cabanes à oiseaux, des trucs comme ça. Bon, il y a des possibilités. J'ai pas tout mis, en fait, tout ce qu'il me met, parce que, en fait, lui, comme il a été pris par son nouveau contrat, toutes les idées, il a fallu que je les note moi, sur un papier rapidos. D'accord. Je vais les mettre après. Mais il va falloir faire des choix. On ne peut pas tout faire. Ce sont des idées. Voilà. Alors, non, mais je suis bien d'accord. Moi, je te posais une question de savoir comment gérer cette affaire. Est-ce que celui qui aimait l'idée va en être le vecteur pour la mettre en place, ou est-ce que comment tu vois ça? Comment je vois ça, c'est que déjà on est en train de collecter des idées et que là-dedans il peut y avoir plusieurs personnes qui peuvent répondre. Comme en fait le groupe est en train de s'étoffer, il y a peut-être des gens qui seront intéressés pour travailler sur la même idée. Et, d'accord. Par exemple, rien qu'en regardant entre le 1 et le 2, je dirais pas que c'est incompatible, mais presque. Parce que créer sur le cerisier une sculpture évolutive mêlant à la vie d'amour sur le même édifice, entre ça et puis l'hôtel à insectes, c'est pas tout à fait la même chose. Ben, ça dépend. Tu peux très bien imaginer que d'avoir un hôtel à insectes inclus dans une sculpture évolutive. Oui, un artiste en général, il travaille tout seul. Oui. Et s'il n'a pas envie de mettre un hôtel à insectes dans sa sculpture, il ne la mettra pas. Oui, sauf si on suggère. ça suffit. Bon, écoute, moi, non, mais je voulais savoir si ce bloc-notes de bonnes idées, tu avais, quand tu étais sur place, enclenché quelque chose pour le rendre opérationnel. D'accord, ok. Non, moi, c'était de l'observation et du relationnel. D'accord, très bien. Alors, montrer la dynamique de l'eau dans la nature. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. On a déjà eu l'occasion d'échanger. Tu m'as montré comment les pompes pouvaient... À la pompe Bélier. Hein, oui. Ouais, c'est intéressant. J'avais déjà vu ça, mais bon... voilà, mais il y a des choses très intéressantes. Alors, est-ce que ça t'a permis d'avancer dans la dynamique de l'eau? Est-ce que tu as quelque chose qui, dans ta tête, parce que le bon artisan dans ce domaine-là, me semble-t-il, c'est toi, avec d'autres peut-être, mais c'est toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place dans ta tête? Ah ben, il y a quelque chose qui est déjà en place dans ma tête. Oui, mais de réalisable. En matière d'eau, c'est un projet, en fait, sur lequel j'ai fait travailler des... Je t'en avais parlé déjà. Oui. J'ai fait travailler des élèves. J'ai des dossiers entiers que je mets pour l'instant qui sont de côté, qui étaient adaptés à un autre endroit, mais en fait, les principes sont tout à fait reprenables et avec beaucoup plus de possibilités, parce qu'on a un dénivelé à gérer, et ça c'est super chouette. Et en matière de dynamique de l'eau dans la nature, c'est parce qu'en fait il y a des choses qu'on ne voit pas et qui sont extrêmement chouettes à voir, à montrer en fait. Oui, d'accord. Ne serait-ce que les échanges entre l'eau et la végétation, c'est-à-dire travailler sur l'endroit où il y a de l'eau et là il n'y en a pas, ou là il y en a de façon intermittente, les écoulements qui sont plus ou moins visqueux, c'est-à-dire plus ou moins rapides, lents. Je dois avoir 100-150 possibilités en fait à mettre en scène. D'accord. Et ça, comme disait Stéphane, ça commence déjà par la réserve d'eau qui est en haut. Voilà. Alors j'ai pas bien compris la réserve d'eau qui est en haut, elle est à créer ou elle existe déjà? Elle n'existe pas. Elle est à créer. D'accord. Mais le gros avantage, c'est que comme on parlait de récupérer les eaux de pluie qui viennent en fait de Saint-Constant, il y a tout un réseau qui arrive. Il y a les eaux de pluie qui sont dans la canalisation eau de pluie, et puis il y a les eaux qui circulent dans la tranchée de la canalisation, parce que en fait les canalisations sont enrobées de sable, et dans ce sable il y a de l'eau qui circule, et elle est beaucoup moins susceptible d'être polluée que celle qui est dans la canalisation. Et oui, mais là t'es sur les circuits de la ville, là t'es pas t'as pas la maîtrise de ça. Non, mais c'est avec eux, je leur en ai parlé, c'est pour ça qu'ils m'ont parlé, ils m'ont passé des plans. D'accord. J'ai des plans de tous les réseaux de la ville là-dessus, qui m'ont été donnés par les techniciens qui étaient intéressés, mais en fait, ils ont tous demandé une invitation et ils sont partis. D'accord. En fait, ne reste sur place actuellement qu'une secrétaire et la directrice. D'accord. Et par contre, maintenant, j'ai tous les réseaux. Bon. Donc ça, c'est bien. Mais tu penses être capable de créer un lien avec la municipalité ou les gens qui s'occupent de ces réseaux et le jardin? Tu penses qu'il te laisserait te chanter un réseau de la ville pour le ramener dans le jardin? Moi, j'ai des propositions à faire là-dessus. D'accord. Là, c'est de ça. Si en fait j'ai bien un rendez-vous confirmé pour septembre, pour l'instant je ne l'ai pas encore avec la municipalité puisqu'il n'y a personne. Mais oui, c'est normal. Ça. Voilà. Bon. Ça sera pour parler de ça. Ça sera pour dire ben, voilà. Pourquoi? Parce que en fait, la réglementation qui en fait nous interdit de construire sur ce terrain permet tout ce qui est possible en matière d'assainissement. Donc, c'est super. Ça veut dire que si on veut créer un réservoir, on peut. Si on veut créer quelque chose, une une cabane pour pouvoir gérer le réservoir qu'on peut. Tout ce qui est en relation avec l'assainissement et l'intérêt public, en gros, hein, et puis et aussi l'agriculture et le maraîchage, tout est possible, y compris les cabanes, y compris en fait, tout ce qui accompagne. D'accord. Bon, mais ça, c'est une jolie ouverture là, que tu évoques. Ça démultiplie toutes les possibilités. Ouais, ça, c'est bien, ça. Alors, autre possibilité aussi que j'avais commencé à cultiver, c'était la responsable du patrimoine, c'est-à-dire responsable départementale, qui actuellement est en congé de maternité et qui revient en septembre. Donc, je lui ai envoyé en fait des propositions en disant, voilà, on aura sans doute un projet un peu plus avancé au mois de septembre, si vous voulez bien nous recevoir, ça sera peut-être l'occasion d'en discuter. D'accord, très bien, très bien. Très, très bien. En fait, ce qui est un peu difficile, c'est que ce sont tous des gens qui ont l'habitude qu'on leur présente des projets tout faits pour que après ça, avec une attitude régalienne, puissent dire ça je prends, ça je prends pas. Ils font leur marché en disant tout à fait. Oui, non. Tout à fait. Ouais. Ce que je leur propose, c'est exactement la même chose à Pierre Plus. C'est de travailler ensemble. Pour que ça ne soit pas l'un qui propose et l'autre qui dit non ou oui, mais que les deux fassent quelque chose qui les enchante. Voilà. Bien sûr. Et ça, c'est nouveau. Pour eux, c'est complètement nouveau. D'accord. Oui, mais bon, bah, il faut... Oui, mais tu ne peux pas prendre à bras-le-corps tous ces administratifs, tous ces gens qui ont... Il faut changer leurs habitudes complètement. Il faut les... Bon, écoute, je te laisse faire, parce que... Bah, c'est un peu ce qui était écrit dans West France, hein. C'est les projets à contre-courant. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon. Ce qui était assez marrant, ça, je te raconte une petite anecdote, c'est que je suis allé à Kerpous, et là-bas, il y a un des profs qui me disait, eh bien, on a en fait un club kayak et canoë. On pourrait presque aller sur votre terrain en passant par la rivière, si on voulait être écolo jusqu'au bout. Bien sûr, mais ils peuvent, sûr. Ils le font déjà. Voilà. Ils le font. Et là-dessus, en fait, on continue. Et puis, il y a l'article de Catherine qui paraît, et qui s'appelle « Le projet à contre-courant ». Et au moment où je reçois cet article, où elle m'envoie cet article sur mon téléphone, j'étais en train de regarder le pont pour savoir si on pouvait passer dessous et avec quelle marée et à quelle heure. Quoi. Ah ben tu peux pas en kayak, tu passes quand tu veux. C'est pas évident, hein. Quand t'es vraiment à contre-courant là, c'est pas commode. Et puis à marée haute. Il faut se coucher, alors qu'à marée basse, tu passes plus facilement. Ouais, mais il y a un club de kayak qui oui. se situe, que tu vois peut-être... Tu vois, tout au bout du quai sud, hein, je crois. Voilà, avec là où il y a cette grande grue moche comme tout, rouge, là. Bon, et t'as le club de kayak, là, ils font des tas de trucs, hein. Très souvent, tu les vois dans l'eau, bon. Bon, donc, il y a plein de choses à faire. Effectivement. Oui, oui. Allez, on continue. Créer, montrer comment on peut diriger l'eau, se servant des forces naturelles, bien sûr, d'accord. Ouais, tu m'apprends des tas de trucs. Hein. La thermodynamique jour et nuit. Bon, d'accord, ok. Créer un circuit de promenade descendant et notamment une sortie par le bac à 9. Hein. En limite de la propriété, de la maison voisine. Oui, parce qu'il y a, en fait un creux de rocher qui permettrait de mettre un escalier. Mais là, c'est très discuté. Ouais, c'est casse-gueule, non? Bon, de toute façon, il faut s'arranger pour que ça ne soit pas casse-gueule. C'est plutôt, est-ce qu'on fait une sortie là, ou bien est-ce qu'on rentre et on sort par le même endroit, pour être complètement à part du quai 9. C'est vrai que les deux, même au niveau image, c'est deux choses différentes. Comme je disais à ceux qui étaient sur le terrain, vous êtes sur le terrain, on est au-dessus du monde. On ne voit pas les voitures qui sont en dessous, parce qu'il y a la falaise. Ouais. Et si tu redescends sur le quai 9, là tu mets un accès aussi. vers la pollution. Cette espèce de tourisme de masse. Vers la pollution, ouais. Voilà. Et bon, c'est discutable, mais c'est une idée. Voilà, bon, c'est une idée. Moi, je pense que tu as intérêt, si tu veux maîtriser les choses, au moins au départ, à avoir une entrée et une sortie identiques. Oui. Par la rue Neuve, parce que il y a, si tu veux, pour monter là-bas, il y a une petite grimpette, et ça peut être quelque chose de, comment dire, de préparation, si tu veux. D'aller sur le terrain, si tu montes, tu descends de bagnole, et puis tu remontes là comme si... Non, non, non. Alors que par la rue Neuve, t'as quelque chose à prendre en compte. Quoi, hein. Il y a un effort. Il y a un petit effort à faire qui est préparatoire. Avec un gros avantage aussi, c'est que, c'est ce qu'avait suggéré un peu Rodrigue, c'est qu'il y ait des endroits mystérieux. Oui, tout à fait. Oui, oui, mais ça... Et c'est vrai que depuis le haut, en fait, la deuxième terrasse, on ne la voit pas. C'est un endroit qui peut être mystérieux, que tu ne vois que quand tu es dedans. Et quand tu parles de la grotte, là, tu es sur la grotte. Non, non, la grotte, elle est à 1,80 m au-dessus de la route en bas. Oui. Et la deuxième terrasse, c'est celle qui est au-dessus, qui est à 6 mètres à peu près, et qui est... côté la maison Tillon. La maison Tillon, tu vois de quoi je parle. Hein. C'est la grosse maison qui est en face, qui a été vendue, donc qui est en espèce de passation de vente. C'est là où il y a la chambre d'hôte Non, non. En face les bougies, en face les cierges. C'est celle où il y a un super jardin, là, c'est une maison de maître. Où il y a une serre? Non. Ah, il y a un super jardin, oui. Celle qui est... Oui, oui, bien sûr, elle est vendue, oui. Ah, t'appelles ça la maison Tillon. D'accord, ok. Oui, mais en fait, c'est la famille de Madame Tillon qui habitait là, et maintenant elle est au d'accord, cimetière. D'accord. Et donc, elle devait être vendue, je ne sais pas si elle est vendue. Si, c'est vendu. C'est vendu, tout à fait. Parce que j'ai vu qu'il y avait des travaux qui étaient envisagés. Tout à fait, ils vont refaire un peu des menuiseries, etc. Bon, cette maison, il y a du boulot là-dessus. Ouais, d'accord. Je l'ai visité quand c'était... Mais le problème, c'est que, en fait, ce sont des travaux qui sont faits par Madame Guillas. Mais Madame Guillas, c'était la fille de Madame Tillon. Alors, pourquoi c'est elle qui fait les travaux alors que la maison s'est vendue? Enfin, ça m'a posé des questions. Bon, écoute, moi, ce que je sais, c'est que j'ai vu des gens assez jeunes, dans les 40 ans, qui se promenaient sur cette maison, etc. Et voilà, bon, je ne peux pas t'en dire plus, mais je sais que ça a été vendu par le notaire Maître Sœur. D'accord. Ok. Alors, après, s'arranger pour que tout ne puisse pas être vu à la fois, bien sûr. Il faut, c'est le côté mystérieux. Il faut, oui, mais il faut surprendre. C'est ça. Il faut, je dirais, trouver, comment dirais-je, ouais, de quoi surprendre. Je fais un petit aparté, quoique, à Quiberon, on a des ronds-points, comme toute ville, voilà. Et ces ronds-points ont été aménagés par des artistes. Mmh. Et notamment des artistes qui travaillaient le métal et qui ont fait des vaches, qui ont fait des crapauds métalliques, etc. etc. Et Michaela, quand elle va rencontrer, parce qu'elle a ça dans la tête, elle va demander à ces artistes-là de se mettre en rapport avec toi. Et l'idée, c'est que, ils font des animaux, ils font des personnages en métallique, et c'est assez chouette. C'est assez chouette. Bon, alors, est-ce que ça leur dirait d'investir, parce que c'est du temps et de l'argent aussi, Est-ce que ça leur dirait d'investir dans le jardin merveilleux? Bah écoute, tu verras si bon, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, je vais noter, parce que j'ai été photographié. Photographie, il faut que je te l'envoie. La vache, photographie, vache et crapaud. Voilà, d'accord, ok. Ça me donne une idée. Pour Philippe. Allez. Ensuite, Sanger, oui, d'accord. Utiliser les forces de l'environnement, machine de musculation étonnante, invitant au K9 les passants à utiliser leur trop-plein d'énergie. Ah ouais! Tu veux les faire pédaler pour faire de l'énergie? On a imaginé des trucs. Ça, c'était avec les jeunes. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Et qui permettent, en plus de ça, d'utiliser les gens qui passent, qui vont s'amuser, et en s'amusant, c'est eux qui vont monter l'eau. Tout à fait, tout à fait. Et après ça, cette eau, une fois qu'elle est là-haut, bah, c'est l'énergie que l'on peut utiliser. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très bien, mais c'est réservé qu'à une petite catégorie de la population, et je pense qu'il faudra la dédoubler avec la thermodynamique jour et nuit, et l'attraction universelle. Parce... Oui, tout à fait. Mais c'est une excellente idée, parce que ça, ils adorent ça. Hein. Tu vas dans les foires, tu vois dans les tas de trucs, nous on le voit avec Slow Food, notre association internationale italienne, là, et ils mettent les jeunes à contribution à pédaler comme des malades pour faire de la pizza, je dis n'importe quoi, tu vois, des trucs très intéressants, très intéressants. Ok. Concevoir une parcelle originale et intégrée à l'environnement permettant de passer au-dessus de l'alcôve. L'alcôve, c'est la grotte. C'est la grotte, d'accord. Bon, okay. Je crois que j'ai supprimé l'alcôve parce qu'en fait... La grotte. Voilà. Ah. Voilà, comme ça tout le monde. Parce que là, tout le monde l'appelle la grotte. Hein. Bon, voilà. mais donc, pour en terminer avec l'eau, ah ben non, on n'en termine pas, ça continue l'eau. On est bien d'accord que tu te sens capable, par tes systèmes de pompes bélier ou des godets, etc., de remonter cette eau. Par un système quelconque en haut de du terrain. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part la récupération des eaux de pluie là-haut, et d'autre part, il y a remonter l'eau qui arrive en bas. Nous sommes d'accord. Et en plus, j'ai repéré qu'il y avait une autre possibilité, un autre endroit où il y avait de l'eau qui se montait. Donc, il y a deux sites. Elle soit où? Il y en a un qui est plutôt intermittent, parce que je pense que l'été, ça doit rester sec, mais qui est un peu plus... en fait, il y en a un qui est quand on regarde la grotte, qui est à gauche. C'est celui qui soigne tout le temps, toute l'année. Et puis, il y en a un autre qui est à mi-chemin entre le bord droit de la grotte et Tillon. Et là, il y a un endroit, il y a une anfractuosité qui... Une petite résurgence, d'accord. Mm-hmm. D'accord. J'ai photographié parce que ça, on ne doit pas le voir tout le temps. Mais là, je suis tombé justement quand il fallait. D'accord. Ok. Bon. Mais on est bien d'accord que l'été, l'eau à gauche de la grotte, elle est là toujours en permanence. Elle est tout le temps là. Elle a jamais. Et dans les mêmes quantités. Hein? Dans les mêmes quantités. J'ai pas pris de mesure. De ce côté-là. De toute façon, ce ne sont pas des gros... C'est pas Non, non, c'est pas des gros débits. Hein. C'est pas des gros débits. Et de toute façon, avec la pompe bélier, ça ne sera pas non plus des gros débits. Donc là, on va travailler en petit. D'accord. Et par contre, si on veut travailler en gros, il faut que ça soit là-haut. C'est de là-haut qu'il faudra récupérer des eaux. D'accord. OK. Bon, alors... en bas, au niveau de la source, tu mettrais un bassin collecteur. T'aurais le droit. Eh bien, ça, c'est à poser la question. Ah oui, tu as étudié dans la MOE et la mise en œuvre, mais c'est ça. Oui, mise en œuvre 2. Ben, ils ont fait ça, je suis allé me promener sur le côté, alors c'est la rive droite du Loc. Ouais. Après, il y a une promenade qui va jusqu'au grand pont ouais. de Tournée, là. Ouais. Et il y a plusieurs endroits où il y a des grottes. Il y a des résurgences, oui, il y a des sources. Et tu sais à quoi elles servaient, ces sources ? À alimenter les bateaux quand les marins venaient sur le port de Saint-Goustan. Ils venaient prendre l'eau, là. Oui. Ben, en tout cas, ils y sont et il y a des bassins collecteurs. Complètement. Alors là, il y a quoi faire. Ouais, mais là, tu es dans le domaine public. Mmh. Bon, à voir, comme tu dis. Hein. Le truc, c'est que le bassin, il est chez moi. Le bassin, il est chez toi ou il est dans le domaine public ? Là, il sera forcément chez moi. Parce que là, on a demandé l'arrêté d'alignement. Ils se sont dépêchés de bitumer en fait la partie qui ne l'était pas encore. Parce que dans l'arrêté d'alignement, ils ont dit ma limite, c'est entre les. Ça ne m'a pas avancé du tout, mais c'est marqué la limite évidente entre le privé et le public. D'accord. Ils se sont hâtés de la rendre évidente. Bon, d'accord. Alors, du coup, c'est chez moi. Bon, c'est chez toi. En plus de ça, c'est marqué que la partie est. C'est une partie qui est inondable, qui est en zone inondable. Ah, tout à fait. Tout à fait. Forcément, elle est en bas. Tout à fait. D'accord. Ok, alors donc après j'ai posé ma petite question, comment marche une pompe à bélier, tu m'as répondu, site, etc., ça c'est bien. Concernant la façon de travailler ensemble, ça m'a interpellé. Est-ce que, à part Stéphane qui lui est un équipier fidèle parmi les fidèles, est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui ait envie, sur le jardin, de mettre la main à la pâte et de s'impliquer, etc. Pour l'instant, entre Stéphane et Roderick, ça, c'est limité. Hein. Ouais, mais Il y a un certain Claude B. Ouais. oui, mais moi, je t'ai donné mes limites. La pompe à bélier. non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, ton jardin merveilleux, il va prendre sa vraie dimension lorsque tout sera bien mis en place pour que ce travail collaboratif, en ligne ou pas, hein, parce que toi, tu parles d'en ligne, mais il faut l'élargir aussi à la non-ligne, et d'avoir du monde qui bosse, quoi. Hein. Alors, il y a un autre truc. Là, j'ai pas mis à jour. On expérimente aussi le jardin partagé, la partie jardin partagé. Oui, d'accord. C'est incontournable parce qu'en fait, ça revient pas mal de fois, dans pas mal de bouches. Et donc, Stéphane disait, la partie est, c'est-à-dire là où on a mis les berlons de permaculture, ouais. On peut la consacrer à ça. Ouais. À faire cette question de jardin partagé, qui en plus se voit très très bien depuis la rue. Très bien. Tout le monde peut surveiller en passant. Très bien. Et où tout le monde peut se voir travailler dedans. Ouais. Oui, ça c'est bien parce que c'est... D'accord, alors on expérimente le travail collaboratif sur la partie est. Et la partie est, c'est là où il y a le bateau. C'est là où il y a le bateau-mat. Voilà, le bateau-mat, d'accord. Alors il y a juste un petit... chose qu'il faut que je mette au point. D'ailleurs, j'ai annoncé à tout le monde, hein, je l'ai envoyé par WhatsApp, que je vais mettre les choses au point sur la partie sécurité. Ouais. Parce que c'est un endroit où tu peux dévisser facilement. Complètement. J'ai mis des fascines, j'ai mis des branches, etc. Mais ouais. Celui qui veut jeter vers le bas, il peut se jeter vers là. Hein. Ouais. Ouais. Ça serait ennuyeux que tu en aies un qui vienne se suicider sur le jardin merveilleux. Voilà, c'est ça. Ça ferait des ordres. D'accord. Le fait de venir aussi pour se faire son chien sur le terrain. Ça, je ne suis pas non plus très joyeux. Quoi. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que ça peut s'exploiter aussi. Mais je suis bien d'accord avec toi. On va vendre les droits à chien. À mettre des petits sacs. Allez, concernant les moyens nécessaires à la mise en œuvre, principe, éviter les chemins passant par l'argent. Nous sommes bien d'accord. Éviter, tant que faire se peut, tout recours à une énergie extérieure. On est bien d'accord. Jouer plus sur la récup, les échanges, etc. Très bien. Oui, c'est bien, là, tu fixes un cadre. Il y en a qui ont déjà proposé, mais attendez, il y avait les trois personnes qui étaient voyées assises en train d'écouter la musique. Ouais. Il vous manque des chaises, on peut en apporter. Et ben voilà. J'en ai vu il n'y a pas très longtemps là, chez Emmaüs, bon. Bien sûr. Non, mais. Ceci étant, si lui a dit ah, attends, une minute. Si on est dans l'écolo, c'est pas des chaises en plastique qu'il nous faut. Hein. Ouais, ben là, va expliquer ça aux Bretons. Hein. C'est pas à gagner. Mais tu as raison. Allez, concernant l'accès au site, voilà ce dont on vient de parler. Le cadre privé, pour y travailler, il faut être membre d'ARIA, d'ED, qui soutient le projet. Très bien. D'accord. Une question. Si on veut adhérer au Jardin Merveilleux, est-ce que le Jardin Merveilleux a un statut? Non. Pour l'instant, le seul statut, c'est celui d'ARIA 2EDD. D'accord. Le statut de propriété privée. D'accord. OK. On n'a pas... L'objectif, en fait, là-dedans, c'est de lancer la chose. Il y en a qui parlent déjà de créer une association. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, elle n'est pas créée et c'est un peu de boulot. Bon, créer une association, c'est pas trop de boulot, mais c'est de la gérer, là, ouais. C'est avoir des gens qui y bossent, ouais. C'est plus de boulot. Là. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est bien clair. OK, d'accord. Concernant un panneau d'information, ces panneaux peuvent être construits. Ah oui, ça j'ai pas tout compris. Chaque modification. Alors, tu l'as fait ton panneau ou tes panneaux, Sylvie les a fait ou pas? Non, pas du tout. On a un devis. On est monté avec. Enfin, Stéphane m'a fait découvrir un magasin média, je sais pas. Ouais. Et ils m'ont envoyé ce matin en fait un devis sur les panneaux A3 ou A2. Sylvie disait, comme il y a beaucoup de gens d'un certain âge qui n'aiment pas trop aller sur Internet, il faut qu'ils puissent voir comment évolue le site par des explications locales. Complètement, c'est très bien. Donc, des petits panneaux montrant, voilà, avant c'était comme ça, maintenant on est là, et on veut aller par là, et ils voient l'évolution. Tu peux faire des photos. Voilà. Mais ça coûte cher, hein, les photos. Oui. Surtout des photos qui restent en extérieur, etc. Ça coûte très cher. Ça blanchit, ça perd la couleur. Non, si c'est de qualité, non, ça bouge pas. Mais ça coûte très cher. Tu as, pour ton information, des spécialistes auxquels j'ai eu recours, moi, pour des différentes expos photos à Auray. Mmh. Dans la zone industrielle de Toulgaros, à Auray, qui font un super travail. Quoi. Et est-ce que tu connaîtrais la Gassili? Non, enfin, je ne sais même pas comment ça s'écrit. G-A-C-I ou C-Y ou L-I-E, voilà, la Gassili. C'est une affaire qui appartient à Yves Rocher, qui chaque année organise... de super expo photo. Si tu vois Gassili, tu verras. Et certaines de ces photos sont faites par les gens d'Auray. C'est des photos en extérieur, c'est des photos qui restent 6 mois dehors, donc tu l'as trouvé, Gassili? Je suis en train de noter ce que tu es en train de me dire. Au niveau des photos. Au niveau des photos, ça s'appelle Pix quelque chose. Tape expo photo à Auray, tu vas trouver. Si tu veux, je t'envoie le nom. Non, je vais chercher, je vais trouver. Ça me fait bosser aussi. Je peux te l'envoyer. Alors, expo photo. tu trouveras. Qu'est-ce que ça propose? Le centre culturel Athéna. C'est dans la zone de Toulgaros. Alors, exposition en plein air. 4 expositions en plein air dans le centre-ville et à Saint-Justin. Ah oui, ça, ils ont fait ça. Tu les as vus? Parce que moi... Moi, j'ai vu des super photos qui étaient le long de la promenade. Là. Oui, c'est ça. Alors, elles sont super, parce que ce que j'ai vu... Bon, ils étaient en train de les mettre quand je suis parti. Donc, j'ai rien vu. Ce que j'ai vu, c'est les panneaux qui m'ont paru un peu légers sur lesquels ils ont mis ces photos. J'ai pas vu les photos elles-mêmes. Imprimerie photo. Toulgaros. Sur les rives du Loc. Sur les véhicules? Sur les rives du Loc. Ah oui. Voilà. Voilà, c'est elle, Fabienne Bédex. Voilà, c'est un peu ma copine. Voilà. Tiens, je t'envoie. Fabienne Bédex. Bon, elle fait. Un super beau, alors pourquoi ça prend pas? Elle fait un super beau travail, mais alors il veut pas. Pourquoi il veut pas? Désolé, votre compte. Ah ben ça c'est le meilleur. Est temporairement indisponible. Ah ben t'as bien fait. C'est pas grave, moi c'est pour ça que je fais des notes en cours et puis après ça je change. Alors ça s'appelle Pixin, P-I-X, oui. I-N, oui. T-H-E-C-I-T-Y. Pixin the City. Pixin the City? Oui. D'accord. Ah, c'est Pixin the City, d'accord. Oui, c'est... Oui, voilà, je t'ai donné... Écoute, j'ai jamais su. Et en plus, quand elle fait des factures, je crois que c'est même pas forcément la même raison sociale. Voilà. Bon, écoute. Donc, voilà. Ça, tu trouveras, ça peut être intéressant. Ensuite, alors, donc ça, c'est pour les panneaux. Les panneaux, ça permet de suivre l'évolution avant, pendant, après. Hein, c'est ça? Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, mais, si, à mon sens, alors c'était un peu la question subsidiaire. Est-ce que tu as avancé dans ta conception du merveilleux? Tu auras droit souvent, parce que ça me paraît être, si tu veux. Dans ta conception du merveilleux, intelligible par le plus humble d'entre nous. Ben écoute, avancer là-dedans, c'est, pour moi, c'est te témoigner, par exemple, de ce que je t'ai dit à propos de un contre-courant. Mm-hmm. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu as des choses qui se mettent en relation, qui sont étonnantes. Bien à propos, et en fait on y est pour rien, quoi. En gros, c'est y a des choses qui s'arrangent tout seul. Donc en fait, moi je peux en fait faire une succession de témoignages en la matière, où en fait, c'est ce que j'avais fait un petit peu, à qui j'ai expliqué ça. Il n'y a pas très longtemps, j'ai expliqué ça en disant, ben voilà, il y a ça. Et une succession de choses qui sont étonnantes, et puis qui se succèdent et qui disent, mais c'est pas possible, c'est pas que de la chance, c'est pas possible. Oui, mais ça c'est une construction, Nadine Philippe Westphal. Cette construction-là, il faut la rendre intelligible. Il est, à mon sens, mais je pense que ça va venir naturellement, si tu veux, mais à mon sens, il faut que ton jardin deviennent merveilleux et que ton cheminement soit accessible aux plus humbles d'entre nous. Mais tu le forges à chaque fois, parce que là, bon, on vient de parler de choses extrêmement concrètes, etc. Mais cette idée-là, tu te la forges, elle se mature, elle grandit en toi. Alors, imagine ce qui peut se passer si quelqu'un, on aménage un bassin en bas, ou même sans aménager le bassin, tu as quelqu'un de malade qui vient, qui se lave à la source et qui est guéri à la sortie. Comment veux-tu mettre ça? Ah ben là, je t'appelle Ouest-France et je te garantis que tu as du monde. Voilà, mais bon, mais on n'en est pas là. Non, mais du mal, il y a des choses. Comment vous. Enfin, j'ai du mal à. Tout ce que je peux construire, moi, tout ce que je peux construire, c'est pas merveilleux. Mais si, mais si. C'est pas moi qui donne le merveilleux. Si tu fais de l'eau miraculeuse, effectivement, il y a une partie de toi parce que tu as amené la flotte, mais après, si le miracle se produit, bon, ben, ça te dépasse. Mais je pense, si tu veux, que la clé, et depuis le départ, hein, parce que ce que je te dis là maintenant, je te l'ai dit X fois, mais je pense que la clé de ce jardin merveilleux passe par Philippe Westphal, hein, tu en es le grand architecte, et petit à petit, tu vas faire grandir cette affaire-là. Bon. Alors, avant de créer la source miraculeuse, tu peux en parler de la source miraculeuse, hein, y a des tas de choses à te dire. Bon. Mais on n'est pas encore à Lourdes. Hein. Je pense que puisque tu es à chercher à communiquer, à montrer ton jardin avant, pendant et après, il faut que tu aies un fil conducteur écrit et qui soit ta, comment dirais-je, qui soit ta doctrine, une doctrine simple, compréhensible du plus humble. Oui, mais bon, je te taquine, mais je pense que tu es dans ton conscient, dans tes réflexions, tu es bien conscient qu'il faut que tu continues de maturer ta pensée, quoi. Et ta pensée, elle va grandir avec ton jardin. Moi, je suis. En fait, je ne sais pas si je t'en avais parlé, mais Stéphane m'a dit la même chose. Enfin, m'a dit la même chose. Maintenant, il faudrait que tu nous guides. J'aime pas le terme guide, parce que, en fait, la traduction en allemand, c'est Führer. Ouais. Et un guide, actuellement, il y a beaucoup, hein, qui se sont, des tyrans qui se sont mis en tant que guide. Oui. Et ça peut évoquer, ça peut faire évoquer bah justement des temps noirs de notre histoire, ce genre de choses. Oui. Mais je pense qu'il faut. Alors, ça, c'est un de tes petits défauts. C'est que tu fais des interprétations qui sont pas toujours. Comment dirais-je, tu détournes un peu. Quand Stéphane te dit, voilà, maintenant il faut que tu nous guides, eh ben, ouais, eh ben, on est deux, voilà. Et à partir de là, eh bien, il faut. Alors, tu préférais le mot prophète au mot guide? Bon, moi, le mot prophète. Non. C'est pas bon non plus. Ben, c'est pas bon non plus, on est C'est pas d'accord. bon non plus. Mais sans même parler de guide, Il faut consolider ta doctrine. Il faut. Moi, j'irais plutôt. Un terme qui me vient là, c'est éclairer le chemin. Eh ben voilà, éclair. Tout à fait. C'est vrai que ça me fait penser aux éclaireurs, les fameux éclaireurs. Mais bien sûr. Alors, moi, ce que je te propose, pour ça, ben là, on arrive un petit peu en fin de réunion. Mais que notre prochaine rencontre, qu'on travaille là-dessus. Quoi. Parce que ça va devenir de plus en plus urgent. Et je pense que pour le mois de septembre, tu auras besoin, si tu veux convaincre, tu auras besoin d'avoir une doctrine, je ne sais pas, appelons ça, bon, je ne sais pas quel est le bon mot, hein, mais qui ouvre la route, quoi. Hein. Si tu veux vendre ton projet, il faut passer, il faut que ça soit plus... structuré. Oui, structuré, mais il faut que ça soit structuré pour être compréhensible, ça c'est une chose. Mais il faut qu'il y ait des fondamentaux simples, faciles d'accès et qui sont évidents. C'est de la pédagogie pure, hein, ni plus ni moins. Alors, tu serais d'accord pour que notre semaine prochaine, eh ben, on la consacre un petit peu à ça? Ça te rendrait service? Oui. Allez. Tu vas y réfléchir, je vais y réfléchir. Et puis, on se retrouve. Alors, on avait dit. Ouais, parce qu'il y a une petite incompréhension entre toi et moi. Toi, tu m'attendais hier. Moi, je t'attendais aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est. Bon, c'est pas grave, parce qu'en fait, ça m'a fait travailler dessus. Hein. J'ai pu bien avancer, c'est pour ça que tu as des choses à lire. Oui, c'est bien. Mais j'ai même pas le temps de les lire, tu vois. T'as été plus vite que moi. Oui. Alors, agenda. Je regarde ce qui se passe dans ma vie. Parce que ici, j'observe que... alors mon agenda, il n'a pas la même tête que d'habitude. J'observe que j'ai pas une vie identique et aussi structurée qu'à Auray. Alors, j'utilise pas les mêmes outils, en tout cas de la même façon. Ah ben, c'est marqué. T'es déjà inscrit. Skype. Philippe Westphal, le premier juillet. C'est mercredi. Ouais. Oui. Mais on l'avait déjà noté, ça. Oui. Ah, tu le savais, toi? Ça, c'était sûr. En fait, hier et aujourd'hui, c'était en fonction de retour. Quand tu rentrais, etc. etc. Quelque chose, et puis, en fait, quand on s'est parlé là-dessus, j'avais la tête ailleurs. Alors, sans doute, je ne l'ai pas noté. Mais c'est pas grave. Alors, je me suis dit, c'est mercredi. Bon, voilà. Allez, 17h, le mercredi 1er juillet. Hein? Ça marche. Bon, alors, merci. Mais c'était bien pour moi de. Si je veux bien t'accompagner, il faut que je sache ce qui se passe, si tu veux, et que je comprenne un peu les mécaniques de fonctionnement des uns et des autres, et puis la tienne. Parce que c'est la tienne qui est importante. Et tu vois, on va faire un truc sympa. On va se faire un truc sympa le 1er juillet. Alors, les enregistrements, tu vas les attendre un peu, parce que ici, j'ai 10 fois moins de débit qu'à Auray. 10 fois. J'ai 7 mégas de débit ici, alors que j'en ai 70 à Auray. Alors, ça ralentit un peu tous les processus. Voilà, mon ami. Bon. D'accord. Et puis, d'ici là, je vais t'envoyer une ou deux photos des vaches et des crapauds. Allez, on va faire ça. Allez, passe du bon temps, mes amitiés, à ta petite épouse. Comment va-t-elle, elle ? Ah ben, elle va bien, sauf qu'en fait, elle a repris le travail effectif à l'école lundi dernier. Ouais. Et ça n'arrête pas. Les réunions, là, actuellement, je ne la vois pas. C'est simple. Bon. Elle est sur deux épaules, que les gens ne s'entendent pas, que chacun veut faire un peu ce qu'il veut dans son coin, ben voilà, c'est Bins. Du coup, c'est moi qui vais faire la cuisine. Eh ben, je vais te laisser à tes casseroles, hein. Et voilà, je vois que je suis retourné sur Audacity, et je vois que lorsque je t'ai dit je vais te laisser sur tes casseroles, la machine s'est un peu emballée, donc le son ne devait pas être bon. Mais je vais vérifier tout ça. Allez, salut mon ami. Merci à toi. Ciao.